Adonai Eloheinu, Eloheinu, Melech Haolam, Haolam. Adonai, Adonai Echad. Echad. Tu n'adoreras d'autres dieux que Dieu. Que Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Jacob, Dieu de David, Dieu Gandhi and the solar system.